19. Le livre de la demande de pardon. Istighfar. Chapitre 371. L'ordre et la vertu de rechercher le pardon divin. Allah Ta'ala dit: et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Sourate 47, verset 19. Et implore d'Allah le pardon, car Allah est certes clément et miséricordieux. Sourate 4, verset 106. Alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Sourate 110, verset 3. Dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs qui disent « Ô notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. » Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Sourate 3, versets 15 à 17. Quiconque agit mal ou se fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah clément et miséricordieux. Sourate 4, verset 110. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. Sourate 8, verset 33. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Allah et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Sourate 3, verset 135. Les versets concernant ce chapitre sont nombreux et bien connus. 1869. D'après Al-Arar al-Muzani, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: il arrive parfois à mon cœur de se laisser distraire du dhikr. J'implore alors le pardon d'Allah, istighfar, 100 fois dans une même journée. Muslim. 1870. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Al-Bukhari. 1871. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah Ta'ala vous ferait disparaître pour vous remplacer par d'autres gens. Ces derniers commettraient alors des péchés puis imploreraient le pardon d'Allah Ta'ala qui leur pardonnerait. Muslim. 1872. Ibn Omar, radiyallahu anhu, rapporte: nous entendions le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire jusqu'à 100 fois dans une seule assemblée: « Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir. Tu es le très miséricordieux, celui qui a agréé le repentir. » Rabbighfirli wa tub alayhi, innaka anta tawwabur rahim. Abu Daoud et At-Tirmidhi qui dit « Hadith Sahih ». 1873. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui ne cesse d'implorer le pardon d'Allah se verra soulagé de chaque angoisse par Allah qui lui offrira une issue à chaque problème et lui accordera de ses bienfaits par des voies inespérées. Abu Daoud. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimuhallah. 1874. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui dit « J'implore le pardon d'Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, le vivant qui subsiste par lui-même, al-Qayyum, et je me repens à lui, astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wa atubu ilayh, verra ses péchés effacés, même s'il avait fui le champ de bataille. » Abu Daoud, At-Tirmidhi et Al-Hakim qui affirment que le hadith est authentique selon les critères d'Al-Bukhari et Muslim. 1875. Selon Shaddad ibn Aous, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La meilleure manière d'implorer le pardon d'Allah est de dire « Ô Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis autant que possible fidèle à mon engagement et à ma promesse. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais devant toi tes bienfaits envers moi et je reconnais mes péchés. Alors pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayy, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Le prophète alayhi salatu wassalam ajouta, celui qui la récite dans la journée avec sincérité et certitude, puis meurt avant la nuit, entrera au paradis. Et celui qui la récite la nuit avec sincérité et certitude, puis meurt avant que le jour ne se lève, entrera au paradis. Al-Bukhari, 1876. D'après Thauban, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude, immédiatement après la fin de la salat, d'implorer le pardon d'Allah à trois reprises, puis de dire « Ô Allah, tu es la paix, et de toi provient la paix. Béni sois-tu, ô toi le glorieux, le très généreux. Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. » On demanda à Al-Awza'i, l'un des narrateurs, comment implorer le pardon d'Allah? Il répondit, en disant, j'implore le pardon d'Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Muslim. 1877. Aisha, radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répétait abondamment avant sa mort, gloire et louange à Allah. J'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه البخاري ومسلم 1878 Anas, رضي الله عنه, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, عليه الصلاة والسلام, dire Allah Ta'ala a dit Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne, quels que soient tes péchés, peu m'importe. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient par leur importance le ciel, et si tu implorais mon pardon, je te pardonnerais, peu m'importe. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec le contenu de la terre comme péché, et me rencontrais sans rien m'associer dans ton adoration, je t'accueillerais avec son contenu en pardon. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 1879. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ô femme, faites l'aumône et implorez abondamment le pardon d'Allah, car j'ai vu que vous formiez la majorité des gens de l'enfer. Et pourquoi cela ?» demanda une femme. « Vous maudissez beaucoup et vous êtes ingrate envers vos maris, » répondit le prophète alayhi salatu wassalam. « En dépit de votre manque de sagesse et de religion, personne comme vous ne fait perdre raison aux plus sages des hommes, » ajouta-t-il. En quoi consiste notre manque de sagesse et de religion, dit-elle. Le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un seul homme, et la femme s'abstient de prier, lors des règles, pendant quelques jours. Muslim. 1880.